les rouages du pouvoir. La politique est un art subtil, empêchant les gens de s'exprimer. Les décisions se prennent dans un fil, sans que le peuple puisse y participer. Mais un jour viendra où nos voix s'élèveront pour un avenir meilleur. Ensemble nous lutterons, les rêves de justice enfin nous réaliserons. Un monde plus juste, c'est ce que nous bâtirons. Les voix s'élèvent mais restent muettes. Dans les couloirs du pouvoir, les promesses deviennent des miettes. Sous le poids des discours illusoires, mais un jour viendra où nos voix s'élèveront pour un avenir meilleur. Ensemble nous lutterons, les rêves de justice enfin nous réaliserons. Un monde plus juste, c'est ce que nous bâtirons. Les citoyens cherchent à comprendre ce qui les regarde vraiment, mais les réponses semblent se fendre dans un océan de faux semblants. Mais un jour viendra où nos voix s'élèveront pour un meilleur avenir. Ensemble nous lutterons, les rêves de justice enfin nous réaliserons. Un monde plus juste, c'est ce que nous bâtirons. Les débats sont souvent houleux, mais les solutions se font rares. Les espoirs deviennent nébuleux quand la vérité se fait avare. Mais un jour viendra où nos voix s'élèveront pour un avenir meilleur. Ensemble nous lutterons, les rêves de justice enfin nous réaliserons. Un monde plus juste, c'est ce que nous bâtirons. Les lois se tissent en secret, loin des regards et des avis. Les rêves de justice sont discrets dans un monde de compromis. Là. Mais un jour viendra où nos voix s'élèveront pour un avenir meilleur. Ensemble nous lutterons, les rêves de justice enfin nous réaliserons. Un monde plus juste, c'est ce que nous bâtirons. Nous bâtirons. Pourtant, l'espoir ne s'éteint pas. Dans le cœur des citoyens, un jour viendra où l'on saura faire entendre nos voix de demain. Mais un jour viendra où nos voix s'élèveront pour un avenir meilleur. Ensemble nous lutterons, les rêves de justice enfin nous réaliserons. Un monde plus juste, c'est ce que nous bâtirons. La politique est un défi pour ceux qui veulent changer. Ensemble nous bâtirons l'avenir avec des rêves à partager. Et un jour viendra où nos voix s'élèveront pour un avenir meilleur. Ensemble nous lutterons, les rêves de justice enfin nous réaliserons. Un monde plus juste, c'est ce que nous bâtirons. Contre complotiste. qui sait quel compteur. Je suis gay en cycliste.